oh, des cieux, Dieu d'Israël, écoute ma prière, éternel des armées. Nul n'est comparable à toi, tout pouvoir t'appartient, sur la terre comme au ciel, élevé soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, oh Jésus ressuscité. Papa Samaritan, beto mi Yesu kake, kake.